Latino. Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous, merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 5 janvier 2018. Voici les grands titres de cette édition. Le groupe parlementaire de la coalition Amizero Barundi dénonce des arrestations répétitives de leurs membres. Ils sont accusés de propagande contre le vote du projet de la nouvelle constitution. Le président de ce groupe parlementaire cite des cas des provinces, Bubanza et Ruyigi. Un homme habitant Magara se faisant passer pour un agent du service national de renseignement à Rumonge a été blessé par balle. Le policier de Rutumo qui lui a tiré dessus voulait récupérer un chargeur de son fusil que cet homme venait de lui arracher. Notre correspondant nous le dira. Et des veilleurs dans le parc de la Ruvubu réclament des arriérés de leur salaire. Ils affirment qu'ils viennent de passer 4 ans sans être payés. Mais au ministère du Tourisme, on ne reconnaît que des arriérés de 2 ans. Et dans le reportage du jour, nous irons en Provence Chibitoke. Et ce sera pour évoquer la vulnérabilité des habitants de la localité de Rugomero Midua face au choléra. Et pour cause, ces derniers consomment l'eau des rivières et manquent de latrines dans leur ménage. Voilà pour le sommaire de ce journal mis en onde par Séraphine Hakiziman. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour, le groupe parlementaire de la coalition Amizero ya Barundi dénonce les arrestations répétitives de leurs membres accusés de mener une campagne de voter non lors du prochain référendum constitutionnel. Le président de ce groupe parlementaire dit que leur formation politique n'a jamais commencé à mener une campagne. Pierre Claver Ndikoumana le dit après qu'il y ait eu des arrestations à Ruyigi et à Bubanza notamment. Pour lui, cela ne vise qu'à continuer le verrouillage de l'espace politique. Suivez-le. Non, on n'a pas encore commencé cette campagne parce que le référendum passe quand même par des étapes. Il y a des étapes de sensibilisation, d'explication du texte normatif qui va changer. Mais ce que je dois vous préciser, c'est que ceux qui sont arrêtés en cascade, ce sont nos membres. Ils ne sont pas arrêtés parce qu'ils sont en train de sensibiliser pour voter non, mais ils sont arrêtés pour l'unique raison pour appartenir à la coalition Amizero ya Barundi, par exemple à Bubanza. On a arrêté des gens à Muzinda, bon, d'autres à Gihanga. Bon, ceux qui étaient à Gihanga, on disait qu'ils tenaient une réunion pour sensibiliser non à la constitution. Mais là, ce qui est clair, c'est ce qui s'est passé à Muzinda. On a arrêté 5 personnes et chacun était dans son ménage. Et quelqu'un qui est dans son ménage, vous pensez qu'il est en train de sensibiliser qui? Ça entre toujours dans ce que nous avons toujours fustigé, ce verrouillage de l'espace politique. Normalement, en démocratie, on laisse les gens libres. Si quelqu'un n'est pas convaincu des enseignements ou par rapport à la constitution, il pourra trouver son tas pour dire non à cette constitution. Celui qui sera convaincu, il pourra voter oui. Est-ce que avez-vous déjà manifesté l'intention justement de voter le non? L'intention, c'est dans le cœur de chacun. C'est pas seulement les membres de la coalition Miséria Barundi qui peuvent voter non ou qui peuvent voter oui. Bon, il faut user de la patience. Ça entre toujours dans cette logique de verrouillage politique, de la recherche du système de gouvernance de parti État, comme c'était dans les années passées. On organisait souvent des référendums en disant, bon, vous votez oui ou non. On amenait deux urnes, dont l'une est blanche et l'autre noire. Et on disait, bon, il faut jamais penser voter pour le noir. Et évidemment, il y a eu même une assertion. Il y a Tore Yemurgirabura, c'est-à-dire il a voté dans l'urne noire pour dire que c'est un traître. Il faut qu'ils arrêtent ça. Nous sommes sur la phase d'explication. Qu'ils s'occupent de ça et qu'ils laissent les gens écouter les changements qui ont été opérés et qu'ils laissent les gens choisir librement. Voilà, c'était Pierre Célestin, c'est le président du groupe parlementaire Amizero ya Barundi et non Pierre Claver, comme je le disais tantôt. Et l'Ombudsman burundais appelle les citadins à voter oui au référendum pour le projet de constitution. Lors d'une séance de sensibilisation des articles amendés ce vendredi au lycée Skeppers de Nyakabiga, certains des participants sont revenus sur les quotas ethniques, la place des Batois dans ce projet de constitution ainsi que sur le statut des indépendants. Pour rappel, le projet de constitution qui sera soumis au référendum a officiellement été lancé le 12 décembre à Bugendana, en Provence, Gitega, par le président burundais Pierre Nkurunziza. Du moins, la sensibilisation pour le référendum. Dans la suite de ce journal, le ministère de l'Intérieur en charge des associations recommande à la mairie de Bujumbura de dresser un rapport sur les activités de la coalition des associations des travailleurs domestiques du Burundi, CATED, pour qu'il puisse décider sur son sort. Le porte-parole de ce ministère, Terence Nairaja, promet que des mesures allant jusqu'à la fermeture de cette coalition pourront être prises s'il s'est démontré qu'elle travaille en violation des règles établies. On l'écoute, il est au téléphone avec Joseph Sabiavanti. Au cas où il y aurait une association qui commence à user de la force, alors que ce n'est pas ce qui devrait se faire, les sanctions doivent être prises. Et comme vous le savez, ce sont les membres d'une association qui doivent exécuter l'ordre de l'association. À ce moment, vous savez que dans leur statut ou dans les règlements de l'intérieur, ils définissent les sources de financement de l'association. Ça peut être soit les cotisations des membres ou d'autres dons élects. À ce moment, il faut que ce soit respecté. Mais quelqu'un qui n'est pas membre de l'association ne peut à aucun cas être obligé de financer une association à laquelle il n'appartient pas. Au cas où vraiment de tels comportements sont faux, il faut que des mesures soient prises pour l'intérêt de la population. Les victimes de cette association se plaignent comme quoi elle va au-delà même de ses statuts parce qu'aujourd'hui elle fait des collectes forcées auprès des tenants, des salons de coiffure, des veilleurs et des bonnes. Est-ce que cela est acceptable au niveau de votre ministère? En aucun cas, seul un membre de cette association devra accomplir le devoir auquel il s'est assigné. Sinon, les autres personnes ne sont pas concernées. À ce moment, vraiment, c'est incroyable. C'est pourquoi nous voulions demander à l'administration provinciale de prendre les choses à main et de ramener l'ordre dans le fonctionnement de cette association et de nous en faire l'apport. Au cas où justement, on trouverait que la loi a été violée, des mesures seraient prises conformément à la loi. Il y a ceux qui pensent que le fait que cette coalition continue à travailler malgré les injonctions des autorités, qu'elle appartiendrait à ce qu'on appelle, entre guillemets, les Bamutama. Qu'est-ce que vous en dites? Ça me fait rigoler parce que tous les Burundais sont égaux devant la loi. C'est la constitution de la République du Burundi qui le précise. Donc, quelle que soit la personnalité, il n'est en aucun cas autorisé de violer la loi. C'est pourquoi il faut que de tels comportements qui violent la loi s'arrêtent dans l'immédiat. Voilà, c'était Terence Nahiraj. Et puis, dans la suite de ce journal, on parle commerce. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme reconnaît être au courant des spéculations autour de la commercialisation du ciment produit par l'usine Burundi Cement Company, Bousséko, en Provence et Cibitoke. L'assistant du ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, qui confirme les faits, indique que le ministère attend de la Bousséko la liste des grossistes avant de dépêcher ses inspecteurs sur terrain pour éradiquer ce fléau. En attendant, Aimable Nkunzumwami demande aux autorités administratives à la base et à la police de continuer à faire le travail en faisant respecter les prix des diverses marchandises, y compris le ciment Bousséko. L'assistant du ministre du Commerce a été joint au téléphone par Évariste Nzikobanyanga. Nous sommes au courant de la situation et nous avons déjà tenu une réunion avec le directeur commercial de Bousséko. On s'est convenu que nous tous ensemble, nous allons faire un suivi régulier pour ces commerçants qui font des spéculations. En plus, nous avons demandé qu'ils puissent nous envoyer la liste des grossistes qui prennent du ciment au sein de la Bousséko, ainsi que la place où se trouve ce dépôt et la quantité avec laquelle chaque grossiste reçoit de la Bousséko. Et ce que nous faisons pour le moment, nous attendons ce rapport et après avoir reçu le rapport, nous pensons que nous allons faire le suivi ensemble avec les représentants de la Bousséko afin que nous pouvons éradiquer ce fléau qui cause des problèmes dans la population. En outre, je vais interpeller l'administration de la base ainsi que la police qu'ils puissent nous aider à faire le suivi régulier pour ces commerçants-là qui font des spéculations afin que nous puissions ensemble éradiquer ce fléau. Dans la suite de ce journal, je vous l'avais dit en titre, un certain Ismaël habitant Magaraï se réclamant agent du service national de renseignement à Rumonge a été grièvement blessé par balle, lui tiré le soir de ce jeudi par un policier de Rutumo en commune et province Rumonge. La police à Rumonge explique que le dit policier tentait de récupérer un chargeur de son fusil qu'Ismaël venait de lui arracher. Le service national de renseignement à Rumonge ne reconnaît pas cet Ismaël parmi ses agents. Les détails dans cette correspondance de Jean-Pierre Misako. Les informations obtenues de certains habitants de Rutumo, confirmées par la police Rumonge, indiquent que Masumbuko Ismail rentrait de chez son père à Kivugwe, sur la colline Rutumo, vers 18h45 avec sa femme et regagnait Magara où il habite actuellement. En cours de route, le bout d'un fusil d'un policier qui rentrait à la position de Rutumo l'a touché de passage et un affrontement a éclaté. Ismail voulant arracher le fusil au policier qu'il accusait de mal porter. Ismail a démobilisé, n'y est pas parvenu, mais la femme s'était déjà emparée du chargeur du fusil policier et le dit policier saignait d'une blessure dans la tête. Alors que certains habitants de Rutumo disait que le policier a vite repris son chargeur et a tiré sur Ismail des balles au ventre, au bras et au niveau de la cuisse et qu'il s'est approché du blessé pour voir s'il est mort. La police à Rumonge dit que le policier attaqué s'est servi d'un chargeur de son compagnon d'armes venu à son secours pour tenter de récupérer le sien. Mission réussie selon la police puisque les agresseurs ont abandonné son chargeur sur place alors que Ismail se réclame du service national de renseignement à Rumonge. Les informations obtenues de ce service disent qu'il ne reconnaît pas Ismail parmi ses agents. Le blessé a été évacué dans une structure de soins alors que le policier a été rappelé à Rumonge. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Et certains agents de santé prestant dans la province sanitaire de Karoussi s'insurgent contre la collecte locale d'autres frais de contribution aux élections qui s'ajouteraient aux contributions fixées par l'ordonnance du ministère de l'Intérieur. Ces contributions qui seront collectées sont fixées entre 30 000 francs burundais pour un directeur et 10 000 francs burundais pour le plus petit profil, un plantant ou un veilleur. Le médecin provincial dit être au courant de ces documents et parle de rumeurs. Blaise Pascal Kararumi. Selon les écrits sans signature qu'on retrouve dans les structures de santé de la province sanitaire de Karoussi, c'est une somme comprise entre 30 000 francs pour les responsables de santé de rang de directeur et 2 000 francs pour un agent de dernière catégorie du secteur de santé comme un travailleur ou un chargé de la propriété, 15 000 francs pour un médecin consultant et 10 000 francs pour un infirmier qui seront exigés pour ces agents de santé. Cette somme est une contribution aux élections de 2020 comme l'indiquent ces écrits. Il mentionne que la somme doit être collectée par les responsables de ces différentes structures de santé avant le 10 janvier 2018. Les agents de santé contactés s'indignent qu'ils n'ont pas été contactés pour être informés de cette contribution qui leur serait exigée. Ils affirment que la seule contribution auquel ils étaient au courant pour les élections de 2020 était celle qui est régie par l'ordonnance du ministère de l'Intérieur et de la Formation Patriotique, une contribution qui sera retenue sur le salaire depuis son mois de janvier. Le médecin directeur de la province sanitaire de Karoussi, Dr Nzisabira Lewandas, indique qu'il s'agit des rumeurs. Il dit être au courant de ses écrits, qu'il qualifie de traque, ces écrits devraient réellement porter au moins sa signature comme responsable de la province sanitaire de Karoussi. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararumiye pour Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Certains habitants du quartier Mutanga Nord dans la ville de Bujumbura se plaignent du vol des rétroviseurs de véhicules et d'autres objets dans les ménages. Ils réclament le renforcement de la sécurité dans leur quartier. Suivez-les. On n'avait pas encore entendu parler de ce genre de vol. Mes voisins m'avaient déjà dit que les voleurs venaient et leur dérobaient les rétroviseurs. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont cassé ces rétroviseurs. Ils ne leur serviront à rien. Tout ce qu'on leur demande, c'est que la police s'implique pour lutter contre ces vols parce que ce n'est pas normal que cela se répète 5 fois dans les ménages différents. C'est vraiment inquiétant de voir comment 5 ménages peuvent être volés et surtout les voleurs emportent les mêmes affaires. Il faut que la police fasse son possible pour arrêter ces voleurs et également faire des enquêtes auprès de ceux qui revendent les pièces d'occasion des voitures car nous pensons que c'est là où vont nos objets. Moi, je suis l'habitant de l'avenue Kigira où s'observent des vols. La fois passée, ils sont venus et ont cambriolé pas mal de choses comme les habits, le rétroviseur, les chaussures, des bassins et et j'en passe. Même ailleurs, sauf vol si observé. Nous demandons une intervention des forces de l'ordre pour appréhender ces voleurs. Et dans la suite de ce journal, les veilleurs d'un abri pour les touristes se trouvant dans le parc de la Rouvoubou se plaignent qu'ils viennent de passer 4 ans sans être payés. Ces travailleurs affirment qu'ils vivent dans de mauvaises conditions et demandent qu'ils soient régularisés par le ministère de tutelle. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme reconnaît ces personnes mais dit qu'il leur doit 2 ans seulement. Samson Daïzeye, secrétaire permanent à ce ministère, tranquillise ces veilleurs. À savoir qu'ils seront rétablis dans leurs droits. Eli Nibel Nibigira. C'est la voix de Virgin Nkurunziza, un des veilleurs au bâtiment public, servant d'abri aux touristes se trouvant au parc national de Rouvoubou, appelé Camping Lodge. Virgin Nkurunziza et Martin Mudende indiquent qu'ils passent 4 ans sans qu'ils perçoivent leur salaire. Ici, auparavant, c'était une société appelée Demco qui faisait des travaux de construction dans son bâtiment. Nous étions des veilleurs. Nous n'avons été rémunérés que pour une année. Et par après, nos comptes bancaires ont été suspendus. Nous sommes restés ici parce que nous n'avons reçu aucune lettre de suspension. Virgin Nkurunziza regrette que le ministère n'ait cessé de leur demander de patienter, mais en vain. Ce sexagénaire affirme qu'ils vivent dans de mauvaises conditions et demande qu'ils soient régularisés. Nous venons de passer 4 ans sans rémunération. Nous ne voyons pas à quel sens se vouer. Nos enfants ont abandonné l'école pour manque de frais scolaires, alors que nous sommes au service public. Nous sommes malheureux. Nous ne voyons pas sur quel pied danser. Nous aimerions que nous soyons rémunérés pour satisfaire nos besoins. Nous passons tout le temps ici, jour et nuit. À l'Office national du tourisme, on dit avoir aucun contrat avec ces veilleurs. Par contre, au ministère du Commerce, Industrie et Tourisme, ils affirment que ces veilleurs étaient auparavant rémunérés par l'ONT, mais que ce dernier a arrêté son paiement de salaire le 1er septembre 2015 pour faute de moyens. Samson Daïdzeye, secrétaire permanent au ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, dit que le processus de résiliation du contrat avec une société appelée Biscone, qui avait le marché de réhabilitation de son bâtiment et qui payait ses veilleurs, est en cours. Samson Daïdzeye tranquillise ses veilleurs qu'ils reconnaissent cette irrégularité et qu'ils seront attribués dans leurs droits. Nous reconnaissons ces veilleurs et aussi nous avons pris connaissance de leurs doléances et de leurs problèmes. Maintenant, nous sommes en train de traiter de leurs questions. Nous attendons seulement que les procédures au niveau de traitement puissent se terminer. Sur la période de 4 ans, nous avons une période de 2015 et nous devons prendre les choses en main pour régler ce problème de ces veilleurs. Ce parc national de Rouvoubou s'étend dans 3 communes, la commune Gitaramuka de la province Karusi, Kiganda de la province Changhuzo et Buhinyuza de la province Muyinga. Et la femme joue un rôle très important dans les élections, mais beaucoup de travaux et la coutume burundaise constituent certaines barrières freinant sa pleine participation aux élections. C'est en tout cas la conviction de certaines femmes de la province de Mwaro. Cependant, le conseiller socioculturel en commune Kayokwe affirme qu'une fois élu, il a été constaté que la femme se montre plus performante que l'homme dans ses fonctions. C'est un reportage de Gertrude Mawenayo. Space Nduwimana, chef de colline Gisozi, en commune Gisozi de la province de Mwaro, dit que les femmes ne se font pas élire, non pas parce qu'elles ne le veulent pas. Faustine Sabimbona, une femme de la colline Buhabga, en zone Kanga de la commune Bisoro, quant à elle affirme que des fois, les hommes se penchent du côté de l'homme lorsque des litiges surgissent entre hommes et femmes. Les femmes que nous avons élues sur notre colline font leur travail concrètement. Les problèmes familiaux se règlent facilement sous la supervision de ces femmes. Les hommes ont tendance d'être penchés aux côtés de l'homme au lieu de dire la vérité. C'est pourquoi en 2020, si je serai en vie, je dois me faire élire. Et je conseille beaucoup de femmes de se faire élire afin que le nombre va passer de 30% à 50%. Le conseiller socio-culturel de la commune Kayokwe précise que même si les femmes ont beaucoup de choses à faire dans leur foyer, une fois élues, elles exercent mieux leurs fonctions que les hommes. On disait que la femme doit rester à la maison pour dire qu'elle s'occupe beaucoup de leur foyer que d'autres choses. Nous, en tant que chargés du social en commune Kayokwe, nous les sensibilisons et les expliquons que ce soit les hommes ou les femmes, tous doivent s'impliquer dans les activités du pays. D'ailleurs, il a été démontré que les femmes, une fois élues dans les postes de prise et de décision, elles exercent leurs fonctions beaucoup mieux que les hommes. Il interpelle les hommes aussi que les femmes de s'impliquer tous dans la gestion du pays. C'est déplorable et condamnable d'employer des mineurs dans l'exploitation des minerais. Le directeur du département Enfants et Familles au sein du ministère des Droits de la Personne Humaine exprime ce regret en appelant toute personne à être sensible aux droits des enfants. Ignace Nawembarida promet qu'il y aura une descente sur terrain du département Enfants et Familles pour constater cette exploitation des mineurs. Ignace Nawembarida au micro de Mucho Ornella. Je crois que ça serait une situation, disons, condamnable, déplorable, dans la mesure où les mineurs doivent être protégés et de tout ce qui peut porter atteinte à leur santé, à leur développement. Donc, on doit tout faire pour que cette situation cesse, pour protéger l'enfant. Vous êtes un directeur du département Enfants et Familles. Quand vous constatez des cas pareils, comment est-ce que vous procédez pour faire face à ça? Ce qu'il faut noter, c'est que c'est la responsabilité de tout le monde. Ce n'est pas uniquement la responsabilité du directeur de l'enfant et de la famille ou du ministère en général. De tous ceux qui trouvent que l'enfant est en train de vivre une situation indigne. À côté de cela, il faut noter qu'il y a des structures qui ont été mises en place justement pour suivre et assurer la protection de l'enfant. J'entends par là nos représentants provinciaux, responsables des centres de développement familial et communautaire qui sont représentés jusqu'au niveau des communes. Nous avons ce que nous appelons les comités de protection de l'enfant qui existent jusqu'au niveau de la colline. Nous avons aussi à côté le Forum national des enfants. Tous ces mécanismes-là de protection de l'enfant doivent se mobiliser, doivent s'activer pour que cette situation cesse. Et en cas de besoin, nous-mêmes, au niveau de notre département, nous allons nous organiser pour voir comment arriver sur le terrain et constater ce que vous venez de rapporter et aussi donner des conseils. Je crois que c'est le passage obligé. À la source. Reportage. La localité de Rugomero-Miduha est souvent le foyer du choléra en commune Rugombo de la province Chibitoke. La population consomme l'eau des rivières. Il s'observe par ailleurs un manque de latrines dans les ménages. Certains habitants de la localité pensent que les nouveaux arrivants sont les plus vulnérables. Ils demandent l'adduction d'eau potable. Au sein de l'administration provinciale, on dit que les projets sont en cours pour répondre à cette situation. C'est un reportage signé Charles Makoto. C'est une demande en eau potable. Elle est de la population de la localité de Rugomero-Miduha. Nous sommes à la deuxième transversale de Rukana, en commune Rugombo. La population de cette contrée consomme de l'eau de rivière Rusizi et Kaganga. Marthe Chimaye habite cette localité située à moins d'un kilomètre de la rivière Rusizi. Elle affirme que l'épidémie de choléra, qui fait souvent irruption dans cette localité, est surtout due à la consommation de l'eau sale des rivières. Le choléra est souvent une menace pour la population de notre localité. De mon côté, je demande que nous soyons servis en eau potable, car l'eau est souvent contaminée en période de pluie. Une fois que cette eau est consommée, on tombe malade. La diarrhée, le vomissement entraînent parfois des morts. Joseph Viozouye, il est également habitant de Miduha. Il explique que l'eau des ruissellements charrie avec elle des microbes vers les rivières qui par après servent de l'eau à boire à la population. Nous demandons l'adduction de l'eau potable car nous consommons l'eau des rivières. Quand il pleut, l'eau des rivières est souillée et si vous allez puiser l'eau, vous partez avec l'eau contaminée. Ils pensent toutefois que les nouveaux venus sont les plus exposés. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs. S'ils arrivent ici, ils sont attaqués par des microbes contenus dans l'eau. Ça dépend de la capacité de résistance et du sang. À la question de savoir si l'eau ne peut pas être bouillie avant d'être consommée, Marthe Chimhaye reconnaît que cette pratique est loin d'être une habitude. Souvent, il est tard quand nous y pensons, dit-elle. Je ne sais pas si c'est de la paresse, mais il nous est souvent difficile de bouillir l'eau avant de la consommer. Nous nous rendons compte de la gravité de la situation lorsque nous n'avons plus rien à sauver. Bouillir l'eau au moment où il y a des victimes, ça ne sert pas à grand-chose. Bien que l'eau souillée est considérée par cette population comme l'origine de l'épidémie de choléra, pour une personne avisée, elle est loin d'être la seule. Difficile de passer du temps dans cette localité sans se boucher le nez. Avoir un lieu d'aisance n'est pas chose aisée. Là où il est disponible, tout autour se trouve de la paille. Des troncs d'arbres servent de support aux pieds. Les mouches s'y volent de tous les côtés. Y accéder relève de l'exploit. De l'exploit car il faut prendre le souhait de ne pas mettre le pied là où il ne faut pas. Selon cet habitant, une latrine peut être partagée par deux ménages. Nos leaders essaient de sensibiliser les gens pour construire des latrines. Souvent, deux ménages partagent un seul lieu d'aisance. Au niveau de l'administration provinciale, le conseiller économique du gouverneur de la province de Cibitoke indique que des activités sont en cours pour répondre à cette préoccupation d'alimentation en eau potable. D'ici peu de jours, cette colline, elle va avoir aussi de l'eau potable. Car l'addiction sera construite, je pense que le débit de cette addiction va permettre à toute la colline de la commune de Rugombo à avoir de l'eau potable. Je pense que cette sous-colline ne sera pas aussi oubliée parmi tant d'autres sous-collines qui composent la commune de Rugombo. Ruben Tubirabe appelle cependant la population de cette localité à contribuer dans l'amélioration de leur situation sanitaire car, estime-t-il, ce n'est pas l'administration qui viendra construire les latrines à leur place. Charles Makoto, de retour de Rugomero-Midouan, en commune Rugombo, de la province Cibitoke. C'est sur ce reportage que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Également, merci à Séraphine Hakizimana qui l'a mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Un bon après-midi.